pour le conditionnel, c'est-à-dire « je ferai », dans une phrase comme « si j'avais le temps, je ferais de la danse », on insiste sur le son qui suit immédiatement le « r », comme au futur. Par exemple, comment diriez-vous « je ferai » au conditionnel ? Fa ? Farei. Farei, oui. Et « il ferait » fa ? Farebbe. Farebbe. Bien. La terminaison pour « il », « elle » ou le vouvoiement, c'est donc « rebbe ». R-E-2-B-E. Rebbe. Pour « il » ou « elle » au pluriel, on ajoute simplement « ro » à ce « rebbe » qui devient « rebbero ». Sachant ça, comment diriez-vous « il le ferait » « il » au pluriel ? Lo farebbero. Lo farebbero, voilà. Vous remarquez qu'on insiste au même endroit que pour rebbe. Rebbe, rebbero. Maintenant, comment dit-on le contraire? Il ne le ferait pas. Il au pluriel. Non lo farebbero. Non lo farebbero, tout à fait. Maintenant, dites-moi en italien, il ne me le dirait pas. Il au singulier. Non me lo direbbe. Non me lo direbbe. Comment diriez-vous « il ne me le dirait pas » il au pluriel cette fois. Non me lo direbbero. Non me lo direbbero, c'est ça. Nous venons de voir « rebbe » et « rebbero ». « Rebbe » c'est « il », « elle » et aussi le vouvoiement. Rebbero, c'est il et elle au pluriel. Ces terminaisons sont toujours les mêmes, quel que soit le verbe. Donc, dès que vous entendez rebbe, vous savez que vous avez affaire à il, elle ou au vous du vouvoiement. Voyons, comment diriez-vous il sera ici? Sarà qui. Bien, sarà qui. Sarà ressemble beaucoup au « sera » français, sauf qu'il y a un « a » au lieu du « e ». Donc, il faut faire attention à ne pas se tromper. Comment dit-on « je serai ici » ? Sarò qui. C'est ça, sarò qui. Que donnerait la phrase « ils seront ici bientôt » ? Saranno qui subito. Subito veut dire tout de suite. Comment dit-on bientôt? Ah, presto. Saranno qui presto. Saranno qui presto. Oui. Vous pourriez aussi dire plus tard. Comment dit-on ça? Più tardi. Più tardi. Comment dites-vous nous serons ici? Saremo qui. Bien, très bien. Saremo qui. Maintenant, vous allez dire, mais ça ne serait pas possible comme ça. Ma non sarebbe possibile così. Ma non sarebbe possibile così. Bien. Comment diriez-vous, nous serions très contents de le faire? Saremmo molto contenti de le faire. Di farlo. Saremmo molto contenti di farlo. Tout à fait. Au lieu de contenti, il y a une autre possibilité, un mot qui rappelle le mot félicité en français, et qui est felici. Felici. Au singulier, c'est felice, F-E-L-I-C-E, aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Felice, au singulier, felici, au pluriel. Comment diriez-vous maintenant « je serai très content de le faire » ? Sarò molto felice di farlo. Sarò molto felice di farlo, c'est ça. Ou alors, sarò molto contento di farlo. Maintenant, vous qui êtes une femme, « je serai très contente de le faire », comment diriez-vous ça ? Sarò molto felice di farlo. Oui, ou alors, en utilisant l'autre mot que vous connaissez à la place de felice. Sarò molto contenta di farlo. Très bien. Vous avez bien utilisé d'abord felice, qui ne change pas au féminin, puis contenta, qui prend un A. Sarò molto felice ou molto contenta di farlo. Je n'aimerais pas le faire. Aimerais au conditionnel. Comment diriez-vous ça? Non mi piacerebbe. Non mi piacerebbe. Non mi piacerebbe. Le faire. Farlo. Non mi piacerebbe farlo. Oui. Comment traduiriez-vous « ce serait très important pour moi » ? Sarebbe molto importante per me. Sarebbe molto importante per me. Très bien. Et « je le ferai pour toi ». Nous n'avons pas encore vu comme on dit « toi » dans ce cas, mais vous ne devriez pas avoir de mal à le deviner en partant de « moi ». Comment dit-on « moi » après un mot comme « per » ? Mais. Mais, oui. Et donc, « toi » se dit « te ». Te, c'est ça. Alors, reprenons notre phrase. Je le ferai pour toi. Lo farò per te. Oui, lo farò per te. Et maintenant, vous allez dire, nous ne l'aurons pas aujourd'hui. Non lo avremo. Où est-ce qu'il faut contracter? Non l'avremo oggi. Les deux solutions sont possibles. Non lo avremo oggi ou non l'avremo oggi. Comment diriez-vous je ne l'aurai pas aujourd'hui? Aurai au conditionnel. Non lo avrei oggi. Oui, ou bien en faisant la contraction. Non l'avrei oggi. Non l'avrei oggi.